Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nostalgique. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2020, qu'elle soit heureuse, remplie de bons événements, etc. Alors, on va commencer l'année, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, par attaquer, à mon grand plaisir d'ailleurs, Diablo. Alors, Diablo, c'est pour moi, c'est un monument du jeu vidéo. C'est vraiment. C'est pas l'inventeur du porte, monstre, trésor tel qu'on l'entend sans doute, mais en revanche, c'en est le chef-d'œuvre. Il a su en tirer la quintessence absolue de la simplicité du concept et le côté hyper attractif du loot et le fait du labyrinthe, tout en étant vraiment hyper addictif. Il n'y a pas d'autre mot, il est extrêmement addictif. Et donc là, je suis vraiment super content de vous parler de Diablo. Et j'ai été. Et pourquoi je vous parle de Diablo d'ailleurs? Eh bien, c'est parce que, comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai été vraiment très très agréablement surpris par l'annonce de Blizzard d'un quatrième Diablo et en plus du retour du druide. Ça a été deux trucs qui m'ont fait waouh, wow, trop bien. Bref, donc voilà. On va commencer cette nouvelle année en parlant de Diablo. Bon, voilà, je ne vous cache pas que dès que Blizzard a annoncé la. Diablo 4, j'ai aussitôt eu envie de me replonger dans ses prédécesseurs, et du coup, je vais vous emmener avec moi. Premier arrêt, l'église de Tristram. C'est en janvier 1997 que Blizzard North sort Diablo, soit après les ventes de Noël. Donc préférant sortir un jeu terminé plutôt que de vendre un jeu encore buggé. Bien leur en a pris car Diablo s'est vendu comme des petits pains. Il a même assez vite été offert dans PC Jeux. C'est d'ailleurs comme ça que moi je l'ai eu et découvert. Mais il a fallu que l'on s'apprivoise et cela ne s'est pas fait sans mal. En effet, le jeu est intégralement en anglais et lorsque je l'ai découvert, l'anglais n'était encore qu'une langue très étrangère pour moi. Je ne comprenais vraiment pas tous les paramètres, voire même rien que les descriptifs des armes, hein. Heureusement qu'il y avait un dessin. Et je vous parle même pas des armures, hein. Quand j'ai chopé les rags pour la première fois, je me suis dit, oh ouais, une armure, mais c'est quoi cette merde? Bref, vraiment, c'était un peu compliqué au départ. Pire encore, je comprenais rien du tout aux quêtes. Les mecs qui me parlaient. Ouais, ok, tu veux un truc, on va voir. Bon, heureusement, le gameplay est simple, tu cliques, tu tues. Ça m'a permis de me lancer dans le jeu, fortement épaulé par mon ami et témoin. Premièrement, se créer un personnage. Sur ce point, le premier Diablo se montre un peu chiche avec seulement 3 classes de personnages. En même temps, nos avatars n'ont que 4 caractéristiques. D'abord, le guerrier. Vraiment le personnage de base de toute action RPG fantastique qui se respecte. Compétences principales, donc bah, la force évidemment, il manipule toutes sortes d'armes de corps à corps, de boucliers ou d'armures lourdes. Malheureusement, ses affinités avec la magie sont très limitées. Ensuite vient la voleuse. Sa caractéristique principale est la dextérité. Elle manipule adroitement les armes à distance et privilégie l'esquive au combat, quitte à ne pas utiliser de bouclier et à se vêtir d'armure plus légère. En effet, sa force est très limitée. Et enfin, le dernier larron, le magicien. Il maîtrise tous les sorts de la création et ne quitte jamais robes et bâtons. Malheureusement pour lui, c'est sa vitalité qui est un peu limitée. Bon, d'habitude, j'aime bien essayer, voire finir le jeu avec chaque classe. Mais je dois admettre que j'ai toujours fini Diablo avec le guerrier et très vite abandonné les autres classes. Bah, bourrin un jour, bourrin toujours. L'histoire débute lorsque votre héros revient dans son village de Tristram. L'aubergiste vous informe que les choses ont bien changé depuis votre départ. Que des sombres cavaliers ont envahi et désacralisé l'église. Depuis lors, des cris résonnent la nuit et le roi ainsi que bon nombre d'aventuriers ont disparu dans les entrailles des lieux à la recherche d'un trésor inimaginable. Évidemment, vous allez vous-même pénétrer dans l'édifice et y découvrir la vérité sur Diablo, ainsi que d'autres petites histoires liées à différentes quêtes aléatoires, et aussi à certains boss plus ou moins mémorables. En effet, vous n'oublierez jamais votre première rencontre avec le boucher. Imaginez un peu, vous avez à peine commencé à jouer, et au deuxième niveau de la cathédrale, vous tombez sur une petite pièce fermée. Lorsque vous ouvrez la porte, vous entrez dans une pièce remplie de cadavres empalés ou démembrés et cerise sur le pompon, un gros démon vous accueille en vous susurrant « Oh, fresh meat !» avant de vous cueillir d'un seul coup avec son gigantesque hachoir. Autant dire que de nombreux sous-vêtements ont dû être souillés. Un peu plus loin, on retrouve également le roi Léoric et son armée dans la bien nommée Chamber of Bone, un lieu secret rempli ras la gueule de guerriers squelettes, eux-mêmes dominés par le gigantesque roi squelette. Votre meilleure arme sera bien sûr le chambranle des portes. Allez, je vous explique pourquoi, pour ceux qui n'y ont jamais joué. Les ennemis ne peuvent franchir les portes qu'un par un. Vous vous mettez devant le chambranle et vous attendez patiemment qu'il s'aligne. Bien sûr, ils ne vous traumatiseront pas tous sur le même run, car un des points forts de Diablo, c'est la génération aléatoire de contenu. Du donjon, des niveaux, et des quêtes. Et des objets aussi, bon. Je m'explique. Lorsque vous lancez un run de Diablo, le donjon et ses 16 niveaux se génèrent aléatoirement avec ses quêtes, mini-boss, etc. Et si vous relancez un nouveau run, tout repart de zéro. Sauf votre personnage, qui continuera d'évoluer. Tiens, parlons un peu du donjon, puisqu'on en est là. Ici, un seul donjon, mais 16 étages et 4 environnements, sous-sol, catacombes, cavernes et enfer. Chaque niveau formant un labyrinthe rempli d'ennemis, de pièges et de loot. Et c'est là un des pièges de Diablo qui rend le jeu si addictif. Le loot. Et ouais. On n'a de cesse de recommencer une partie pour avoir une meilleure pièce d'armure, meilleure arme, meilleur bouclier, meilleur sortilège. Pour les magiciens, parce que moi j'ai sortilège personnellement. En effet, le loot se générant aussi aléatoirement, en dehors des objets de quête, l'envie de relancer encore et encore le jeu pour dropper un meilleur équipement est clairement un moteur. Évidemment, l'autre point rendant Diablo si prenant, c'est son gameplay. Tout se joue à la souris, et ce titre est un pur mouse killer. Clic gauche, attaque armée, clic droit, sort. Et voilà, vous avez les rudiments de gameplay, même si les raccourcis pour les potions viennent se greffer. La prise en main est purement immédiate. Puis arrive le côté stratégique et RPG, avec les 5 points à dépenser comme bon nous semble dans les 4 caractéristiques à chaque niveau. Encore une fois, c'est assez simple. Nos personnages correspondent très fortement à des stéréotypes déjà connus de tous. Et si vraiment vous vous trompez dans l'évolution de votre perso, eh ben, il suffit de relancer un new game en gardant votre perso et de remonter plus facilement les stats qui vous ont fait défaut. En effet, on peut relancer une nouvelle partie en gardant son perso tel qu'il est évolué. Et c'est très pratique au vu de la difficulté du soft. En effet, à chaque changement d'environnement, il y a un gap de difficulté assez violent. Personnellement, je relance une nouvelle partie à chaque changement d'environnement pour farmer sans que cela soit trop fastidieux. Et cela me permet aussi d'obtenir de nouvelles quêtes et objets uniques. Le pic de difficulté en enfer est encore plus violent tant les adversaires sont forts, rapides, nombreux. C'est facile, en 2 secondes on se retrouve coincé par 3 succubes qui nous balancent des boules de feu et 4 chevaliers qui nous tatanent la gueule. Ça va très très vite. Tiens, en parlant des adversaires, ils sont magnifiques. Tout comme la direction artistique d'ailleurs, il y a un soin particulier appliqué aux objets uniques ou aux mid-boss qui vont vraiment faire plaisir à voir. L'environnement n'est pas en reste non plus. Il vous imprégnera de malaise à mesure que vous vous enfoncerez sous la cathédrale maudite. Et ce côté visuel est très fortement appuyé par la bande-son. Outre la musique iconique de Tristram, Chaque environnement possède une étrange atmosphère musicale, hybride entre musique, sons étranges, distordus, créant leur propre mélopée à la fois hypnotique et inquiétante. Avant de conclure, et pour l'anecdote, c'est avec ce jeu qu'est apparu le fameux système Battle.net qui permettait de jouer à plusieurs en ligne dès la sortie en 1997. Pas mal, non? Bref, on est sur un excellent hack and slash, probablement un des meilleurs, voire le meilleur dungeon crawler. Bah, honnêtement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il faut vraiment s'y être essayé. Un jeu qui se renouvelle sans cesse, au gameplay parfaitement efficace, et le tout enrobé dans un univers de hard fantasy sublime. Que demander de plus? Un mode HD? Bah alors là... Bon. Il existe le mode Belzébub. Mais honnêtement, il est trop modé pour vous offrir l'expérience Diablo réellement. Alors, il est certes en HD, mais il rajoute des waypoints, qu'il n'y a pas dans la version originale, effectivement, et qui sont peut-être pas excessivement utiles tant le jeu original a été bien conçu à ce niveau-là. Des coffres dans le village, ok, c'est très pratique, mais encore une fois, c'est pas l'expérience originale. Mais c'est vrai que c'est bien plus pratique que d'arriver dans le village, vider ses poches sur la place autour de la fontaine. Mais bon, voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. Mais n'empêche que c'est pas dedans. Des nouvelles quêtes. Bon, alors, ça peut être un ajout sympathique, mais encore une fois, bah, l'histoire étant écrite d'une certaine manière, rajouter des quêtes différentes, alors soit c'est du FedEx qui n'apporte rien, soit on dénature un petit peu l'histoire. Des nouvelles animations également, et des nouveaux persos. Alors là, par contre, ok, c'est plus du tout le jeu original. Parce que rajouter des persos, encore une fois, c'est très sympathique, les add-ons aussi peuvent le faire. Mais ouais, on parle plus du même jeu. Si on n'a pas les mêmes quêtes, pas les mêmes personnages, pas le même gameplay, on est loin d'un simple mode HD. Bon, c'est un très bon jeu, mais c'est plus Diablo quoi. Moi, je vous conseille, comme d'habitude, un Abandonware FR ou à la limite GOG, mais sur un petit écran, car la très basse résolution peut faire tâche sur un méga écran 4K, alors que la DA est sublime sur un écran de taille raisonnable. Si c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour y jouer, bah faites-le parce que ça vaut quand même le coup. Mais ouais, honnêtement, ce sera difficile de dire que vous avez joué à Diablo. Vous avez joué à Diablo HD, qui est un Diablo remaster à la limite. Enfin, après, si ça reste un bon jeu, ça vaut quand même le coup de le faire, hein. Voilà. Bon, sur ces bons conseils, je vous dis à lundi pour le nouveau point Dark Souls où je rencontrerai un nouveau boss, très impressionnant, ou dans 2 semaines pour mon épisode sur Diablo 2. Ah oui, j'oubliais, tiens. Diablo a un add-on officiel, Hellfire. Eh ben, faites comme moi, oubliez-le. Allez, salut à tous. On se revoit dans 2 semaines et profitez bien de 2020. Ciao! The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps salvation.